Chapitre 7e. Le premier objet qui frappa les yeux de Gretzky fut un billet sous enveloppe placé en évidence sur son bureau. Il le décacheta et lut ces quatre mots, bien sur le champ, signé Redzov. Valérien regarda un instant cette feuille de papier et ces quatre mots sans importance apparente qui lui semblaient gros d'orage. Puis, sans prendre le temps de réfléchir, il redescendit son escalier. « Je sors, » dit-il au Suisse qui s'empressait de lui ouvrir la porte. « Faut-il demander le traîneau de votre Excellence ?» fit l'obséquieux serviteur. « Non, je sors à pied. » La porte tomba sur le jeune homme, qui monta aussitôt dans un traîneau de louage arrêté deux maisons plus loin. 5 minutes après, il entrait chez Redzov. Celui-ci, fort agité, marchait de long en large dans son cabinet de travail. Sabakine, assis sur le canapé, méditait d'un air soucieux, le menton appuyé sur la paume de sa main. « Eh bien ?» fit Gretzky, uniquement pour dire quelque chose, car le doute n'était plus possible. « Eh bien, le diable est contre nous, » grommela Redzov en coupant court à sa promenade. « On nous a dénoncés. » Il courut à la porte, s'assura que personne n'avait écouté, baissa les épaisses portières de velours vert et revint à ses camarades. « On nous a dénoncés, » répéta-t-il à voix basse. « Et je ne sais pas si nous pourrons nous tirer de là. »« On nous a dénoncés personnellement ?» demanda Gretzky d'une voix calme. Il était très pâle, mais complètement sûr de lui-même. Ses deux camarades, au contraire, semblaient avoir perdu la tête. « Personnellement, non. Mais c'est l'affaire de quelques heures. Il est impossible qu'on ne nous reconnaisse pas, que rien ne nous trahisse, que... au diable !» s'écria Sabakine en frappant du pied avec colère. « Si personne ne sait encore nos noms, il n'y a pas de quoi s'inquiéter outre mesure. » repartit Gretzky. « Tout peut encore s'arranger. D'ailleurs, pourquoi vous tourmentez-vous? Ne suis-je pas seul coupable ?» Les deux jeunes gens regardèrent Valérien avec étonnement et, sans s'être concertés, tous deux s'avancèrent vers lui. « Non, Gretzky, » dit Redzov, « tu n'es pas plus coupable que nous. Du moins, notre intention n'était pas d'être moins coupable que toi. Par conséquent, nous avons partagé la faute. Nous partagerons le châtiment, » conclut Sabakine. Les mains des deux officiers saisirent les mains de Gretzky et les serrèrent fermement. Le jeune homme, très ému, leur rendit leur étreinte. « C'est absurde, mes chers amis, » dit-il. « Je ne puis consentir à ce sacrifice. J'allais me livrer. Voilà tout. Et ce sera une affaire faite. J'irai aussi, » répartit Redzov. Moi de même, dit Sabakine. J'en donne ma parole d'honneur. Le silence se rétablit. Gretzky réfléchissait. Mes bons amis, dit-il au bout d'un instant, laissez-moi prendre tout sur moi. Il faudra faire une dot à cette fille, et l'on assoupira l'affaire. Je suis le plus riche, soit dit sans vous offenser. Et d'ailleurs, je suis seul coupable. Il y va de 15 jours d'arrêt. Il y va de ton grade, répliqua Sabakine. Le colonel a dit qu'il ferait un exemple. Le colonel, murmura Gretzky. Il en parle bien à son aise. On ne casse pas un officier de la garde pour une fredaine. On dirait qu'il n'a jamais fait de bêtises, le colonel. Il médita un instant, puis, d'un air plus joyeux. Et vous autres? Voilà comme des bonnets de nuit, et ma parole, il n'y a pas de quoi. On dirait que nous n'avons plus ni mère, ni tante, ni cousine disposée à intercéder pour nous. Voyons, Redzov, tu as une sœur, fort bien en cours. Ne peux-tu l'envoyer discrètement auprès du maître de police, le prier d'assoupir l'affaire? Ne peut-on représenter à ce brave homme le tort que cela fera à la noblesse si cette affaire s'ébruite? Toutes les femmes de chambre qui nous auront pris le menton viendront déposer contre nous avec un certificat. Que diable, messieurs! Vous n'avez pas besoin de rire, c'est sérieux ce que je vous dis là. Il y va de l'honneur du pavillon, comme dit mon oncle l'amiral. Toi, Sabakine, ton oncle est ministre. Que ne vas-tu lui demander sa protection? Tu ne lui demandes jamais rien, tu ne manges que ton bien. Il ne peut pas te refuser cela. Et toi? Riposta Sabakine, n'as-tu pas ta tante, qui est dame d'honneur, et mieux en cours que n'importe qui? Chut. fit Gretzky en posant un doigt sur ses lèvres d'un air tragicomique. Ma vertu estante est du côté des opprimés. Si elle se mêle de cette affaire, ce sera pour me faire châtier et pour réhabiliter la demoiselle. Il n'y a pas à songer à ma tante pour cette affaire-là. La demoiselle, grommela Redzov, la sotte Pécor. Ah, dit Gretzky, je t'arrête ici, mon ami. À coup sûr, ce n'est pas sa faute. Elle s'est vaillamment défendue, j'en porte encore les marques. Il releva sa manche de toile fine et montra son poignet entamé par une large égratignure qui avait enlevé un lambeau de chair. La plaie était profonde et à peine cicatrisée. « Ce qu'il y a de certain, reprit Valérien en rabattant son poignet de toile sur sa main, c'est que nous étions ivres fous, ce qui est la pire ivresse et la plus méchante. Nous aurions aussi bien tué quelqu'un. Plût à Dieu !» gronda Sabakine. « Grand merci. Ça aurait été la Sibérie alors. J'aime mieux donner une dot. Voyons, Sabakine. Est-ce ton oncle ou ta sœur, Edzov, qui vont essayer d'assoupir cette sotte affaire ?»« Je crois qu'il vaut mieux employer les femmes, » dit Sabakine. « C'est moins grave. Un homme, surtout un ministre. » Les deux officiers se mirent à rire. « Le bon apôtre, » fit Gretzky. « Il ne veut pas perdre son crédit. » « Il a raison, » reprit Redzov. « J'irai voir ma sœur demain matin. » « Avant de nous quitter, mes amis, » dit Sabakine qui s'est élevé, « faisons un pacte. Aucun de nous, sous quelque prétexte que ce soit, ne trahira les autres. Nous endossons la faute et la punition solidairement de même que nous l'avons commise. » Gretzky voulait protester, Redzov lui coupa la parole. « Nous sommes des fous, mais nous avons de l'honneur. Nous pouvons nous oublier jusqu'à faire une sottise indigne de nous, mais l'honneur du régiment et la foi de l'amitié priment tout. Nous sommes donc solidairement responsables de ceci comme du reste. Jurons de nous soutenir jusqu'au bout. « Je le jure, » dit Sabakine en étendant la main. « Je le jure, » répéta Gretzky en serrant les mains loyales de ses amis. Ils se séparèrent aussitôt pour se retrouver le lendemain au régiment. Gretzky, rentré chez lui, se mit au lit. Mais il eut beau faire, l'image indistincte de Raïssa l'empêcha de trouver le sommeil.